Bonjour, samedi 3 septembre, un petit direct parce que je pense pas en faire demain. J'en ai fait un hier, mais bon, habituellement j'en fais, je le fais la fin de semaine, donc j'ai décidé d'en faire un ce matin. Ça devrait pas être long, là, je vais essayer de faire juste une heure. Il y a personne encore, donc il est peut-être un petit peu tôt. Je vais quand même attendre un petit peu que les gens arrivent. Ah, il y a déjà quelqu'un. Bonjour, Lindus. Donc, j'ai vu quelque chose ce matin. Bonjour, Sylvie, dans le Journal de Montréal. Donc, c'est un enseignant, un professeur de théâtre, qui va avoir des accusations par rapport à la police. Bonjour, Martin. Bonjour, Marie. Parce qu'il est allé enlever des affiches électorales. Puis, bon, jusque-là, je trouve que c'était assez ordinaire. Je voyais pas. Mais il reste que, bon, il y a un manque de discernement là. Je comprends pas que des gens qui, bon, supposément, sont des enseignants, connaissent pas les lois plus que ça, là. Les pancartes, les affiches électorales, c'est interdit. Dans certains quartiers résidentiels, dépendamment des lois municipales, mais ou les lieux patrimoniaux. Donc, bonjour Virginie. Donc, ah oui. Donc, je sais pas, il y a un certain manque de discernement. Là, il n'a pas consulté la direction de ses employeurs, au fond. Puis, comme ça, agit là, sur l'impulsion en déclarant que c'était immoral. Puis il dit qu'il n'avait jamais vu ça sur le terrain d'une polyvalente. Une polyvalente, des affiches électorales. Donc, il n'y a pas beaucoup de vécu. Hein? C'est inquiétant. Je trouve ça inquiétant. Je trouve ça inquiétant. Un monsieur avec des nattes, là, avec des drapeaux derrière lui de mouvement, par exemple, qui exacerbe les tensions raciales aux États-Unis, puis qui s'est récupéré pour créer du trouble, puis d'autres choses aussi. Donc, c'est ce genre de personnes-là qui enseignent à vos enfants. C'est ça, moi, qui me dépasse. Un monsieur, là, dans la vingtaine, avec des nattes tressées. Ici, en région, si on avait eu un professeur comme ça, il n'aurait pas été capable de travailler parce qu'il n'aurait pas eu le respect de ses élèves, ni des parents, ni de la direction. Puis qui aurait commis un geste comme ça, heureusement qu'il manque de professeurs, il aurait été renvoyé immédiatement. Donc, puis le syndicat aurait eu de la misère à le défendre. Donc, je regardais ça, puis quelque part, c'est un petit peu gênant. C'est un petit peu gênant. Je ne sais pas, là. Mais c'est des individus comme ça qui enseignent à vos enfants. Il y en a beaucoup, de plus en plus, puis ils n'ont pas de discernement. Puis il en manque en tout cas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un potentiel d'en acquérir un, mais je trouve ça inquiétant. Mais bon, on le savait que c'est comme ça. Puis je pense, je ne sais plus dans quel coin ça s'est passé. C'est possiblement sur l'île de Montréal ou peut-être dans le coin de Laval, là, sur l'île Jésus. Donc, bon, dans ce coin-là, c'est des mentalités spéciales. C'est un petit peu comme une grosse ville d'un État démocrate, Montréal, un peu comme Baltimore ou Chicago. D'ailleurs, ça se tire de plus en plus dessus. Puis les gens bien vont finir par fuir la ville de Montréal, ce qui est tout à fait normal. Parce que, bon, c'est pas un climat pour élever des enfants à un moment donné. Parce que justement, on est obligé de défaire à mesure ce qui est. En tout cas, avez-vous des sujets ou parce que je fais un petit live aujourd'hui, je vais aller faire ma petite tournée là. Donc, je voulais faire ça de bonne heure le matin. Il est peut-être tôt un peu, mais bon, c'est pas grave. Donc, le chat. Il y en a qui me demandent des fois des nouvelles du chat. Ben, sa blessure est complètement refermée. J'ai recommencé à l'envoyer dehors. Il est arrivé ce matin, là, tout mouillé, à 6 h du matin. Heureusement que je me lève tôt pour lui. Ben, c'est pas pour lui, mais je parle heureusement pour lui que je me lève tôt. Donc, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez discuter? Parce que, bien franchement, là, Je regardais les, je fais ma petite revue de presse le matin, je regardais les journaux, puis c'est ça aujourd'hui là, que j'ai trouvé le plus spécial. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dont? Ben, vous savez, c'est un torchon, hein, c'est des torchons. Bonjour, bonjour Blue Shadow. Ah, en pleine page du Journal de Montréal, ben, c'est pas le journal papier, ça, c'est leur site. Bonjour Pauline. Il y avait ça dans les gros titres, c'est de plus en plus des conneries avec tout ce qui se passe, c'est pas les sujets qui manquent, hein, les sujets sérieux qui manqueraient. Puis il y avait titré en gros une dame qui masturbait son chien sur Internet pour se payer des prothèses mammaires. Donc oui, c'est rendu là. C'est rendu là. Et puis il était écrit dans l'article qu'elle réalisait pas son geste, mais qu'il y a eu une prise de conscience. Toute une prise de conscience. Et là, c'est assez. Vous voyez, là, ça, on peut parler carrément ben oui, ben oui. Si vous allez sur le site du Journal de Montréal, vous allez voir ça. Elle masturbait son chien pour faire de l'argent sur Internet pour se payer des prothèses mammaires. Une mère de famille, là. Donc, ouais. Le niveau est de plus en plus bas, puis le pire, c'est que les gens vont trouver ça banal. De plus en plus des choses comme ça. Ben oui, mais c'est encore puni par la loi, les bestialités. Il y a quelque chose là-dedans qui est un manque de respect total, non seulement envers les animaux, mais envers soi-même, envers. La différence, c'est les similarités entre les hommes et les femmes face à la conscience. Oh, ben. Faut toujours. J'ai de la difficulté à des fois les hommes qui parlent des femmes. Il faudrait que les femmes parlent des femmes. Mais oui, il y a des différences. Il y a des différences. Qu'il a payé pour faire ça à son chien, ben, des gens sur Internet. Des hommes que, bon, qui vont, en tout cas. Mais l'affaire, là, la différence entre les hommes et les femmes, ben. Au niveau de la conscience, d'une certaine façon, j'ai un petit peu de difficulté, les hommes qui vont parler de la femme. J'ai un petit peu de problème avec ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça, il y avait un livre de Bernard de Montréal, attribué à Bernard de Montréal à propos de la femme. Puis moi, puis beaucoup d'autres, on n'est pas certain que c'est Bernard qui a écrit ça. Ben, j'ai beaucoup de la difficulté. Puis pour être franc avec vous, je ne l'ai jamais lu. Mais des fois, des gens me le demandaient, puis je le partageais. Mais on a des doutes. Il y a beaucoup de gens qui l'ont lu, qui ont des doutes que ce serait Bernard qui a écrit ça, mais c'est possible. Donc, l'affaire, c'est que bon, on peut parler certaines différences, oui, au niveau de la conscience, parce que la conscience, c'est quelque chose, c'est un principe. Qui est ni actif ni passif. Puis les principales différences entre les hommes et les femmes, ça va être lié à des polarités. Comme par exemple, la femme va être plus réceptive au niveau du langage. Comme par exemple, si vous regardez dans les écoles, les filles sont meilleures en français. Les garçons sont meilleurs en mathématiques. Donc, des fois, par contre, même si le langage est une facilité pour les femmes, il va y avoir plus de difficultés à émettre, si on peut dire. Il va y avoir plus de réceptivité pour la parole, par contre, qui est émise. Donc, il avait été dit que l'homme allait devoir intégrer le fait d'être plus réceptif, puis la femme intégrer le fait d'être plus émettrice. Puis, bon, est-ce que BDM l'a véritablement sorti le livre sur les femmes? Je doute vraiment, ben c'est ça. Vous n'êtes pas toute seule qui en doute. Bonjour, Mystère Guerrière. Donc, oui, vous n'êtes pas toute seule qui en doute. Mais pour être franc avec vous, je ne l'ai jamais lu. Je ne l'ai jamais lu. Par contre, beaucoup de gens qui l'ont lu avaient des doutes que c'était réellement de Bernard. Bonjour, Anaïs Marchand. Par contre, il y a des gens qui doutent que Bernard a écrit La Genèse du réel. Or, oui. Oui, ce qui arrive, c'est que ça a été dicté. C'est des enregistrements qui ont été transcrits. Je pense que c'est la conjointe de Donald Moses qui a fait la transcription à l'époque. Bonjour Anaïs. Donc, moi. Mais vous savez, il y a même des fois, bon, comme je disais tantôt, bon, il y a des différences par rapport à des polarités. Donc, c'est pas reçu pareil, la perception est pas pareille. Donc, les hommes ont souvent parlé des femmes à travers des filtres subjectifs de domination et de crainte, et voilà. C'est pour ça que les hommes qui parlent des femmes, là, comme si c'était quelque chose qu'ils avaient percé totalement, j'ai de la difficulté avec ça. Par contre, bon, on peut parler d'une façon déshumanisée de ces principes-là, comme par exemple certains principes. Pourquoi il y avait des vierges noires en Europe? C'est quoi ça, ces cultes-là? Ben, c'est des résultats de choses qui viennent d'Orient, puis d'Afrique du Nord. Puis il y a des principes de réceptivité universelle. Vous savez, les ténèbres n'ont pas toujours été diabolisées. Puis d'ailleurs, ça dépend de quoi on parle. C'est pas censé l'être. Donc, la Vierge Noire, pour que la vie soit possible, pour que l'espace-temps soit possible, pour qu'il y ait un plan espace-temps, il a fallu ralentir la lumière. C'est là que ça vient. Salut, là. Bon, il y a quelqu'un qui m'écrit sur Skype. Bon, j'irai voir plus tard. Mais donc, si on peut dire, on pourrait parler d'un réceptacle sacré qui était identifié à la noirceur, mais pas dans un sens négatif. C'est-à-dire que il a fallu ralentir la lumière. Tout simplement qu'il y ait une cristallisation en matière, en espace-temps, pour que la vie soit possible. Donc, ça faisait partie des principes de féminin sacré. C'était dans le temps rattaché au culte d'Isis. Puis, c'est pour ça que dans le temps de l'Inquisition, les gens qui avaient des cultes pour la Vierge Noire ont eu des problèmes. Au final, BDM a sorti combien de livres est mis à la disposition publique réellement? Ben, il y a la Genèse du réel. Il y a Dialogue avec l'invisible, il y a deux tomes. Il y a un livre en anglais. Puis, il me semble qu'il y en a un autre aussi. Mais bon, ça arriverait en tout et pour tout là, à 5 ou 6 livres. Puis, mais celui sur la femme, il est attribué à Bernard, mais j'ai jamais eu confirmation que ça venait réellement de lui. De toute façon, Bernard, c'était un être humain. Donc, d'abord et avant tout, donc peut-être que ça venait de lui. Puis oui, des fois, il y a peut-être des petites choses qui manquent de... Comment je pourrais dire ça? Il faudrait nuancer certains de ses propos, mais je ne l'ai pas lu, donc je ne vais pas le commenter. Puis je ne vais pas avoir la prétention. Je ne vais pas avoir la prétention de le nuancer pour lui, là. Donc, bon, est-ce que... Pourtant, il y a des gens qui m'ont dit que ça venait de lui. Mais encore là, j'en doute, j'ai des doutes. De toute façon, est-ce que c'est réellement important, au fond, là? Bon, il recommence à pleuvoir. Hier, là, soir, je regardais le ciel, puis je me doutais qu'il pleuvrait aujourd'hui, à cause de petits détails, là. Hein? En tout cas. Donc, moi... Mais c'est ça, là. Il pleut beaucoup. Donc, oui, il y a moyen de parler les différences entre l'homme et la femme. L'affaire, c'est que, par exemple, pour certains rapports avec, par exemple, ce qu'on a appelé le systémique, il y a plus de difficultés, on dirait, chez les dames. Par contre, au niveau ce qu'on pourrait appeler les capacités à capter de l'astral, ben on dirait qu'il y a une certaine facilité pour les femmes. Puis aussi, étrangement, vous avez des hommes qui vont créer des traditions, puis c'est des femmes qui les font perdurer, ce qui est un petit peu spécial. Puis aussi, il y a une espèce de côté au niveau de la spiritualité, on voit ça. Il y a quelque chose de féminin chez les hommes dans la spiritualité, puis quelque chose de masculin chez les femmes qui sont dans la spiritualité. Donc, on peut voir qu'il y a des jeux de polarité, puis d'inversion, quand ça passe d'un plan à l'autre. c'est des phénomènes un petit peu spéciaux, là. Donc, bon, il reste que, en tout cas, je ne sais pas, est-ce que vous aviez d'autres choses? J'ose pas aller voir mon Skype, là. J'ai peur de perdre le direct. Ah, ça n'a pas l'air de déranger. Voyons. OK, bon, je regarderai plus tard. Donc, moi, ben, c'est ça. Je dirais que BDM, il y en a sorti à peu près 6. 5-6, là. Mais si vous réussissez à trouver Dialogue avec l'invisible, il y a deux tomes. Il y a aussi son livre, il y a là, qui est écrit en anglais. Mais à mes yeux, son œuvre maîtresse, c'est La Genèse du réel. Il y a certaines personnes qui disent que Bernard lui-même, à un moment donné, avait dit de ne pas lire ça. Que La Genèse du réel, plusieurs années après, là, tout d'un coup, il disait de ne pas lire ça. Mais ça a été rapporté par des gens. Ça n'a pas été dit par Bernard clairement, à ce que moi j'ai entendu, là, je ne l'ai jamais entendu dire ça. Donc j'en doute aussi. J'en doute aussi parce que la Genèse du réel, elle vient défaire la démarche de certaines personnes qui ont voulu ramener ça dans du plus terre à terre. Puis, donc il y a des conflits. Il n'est pas censé en avoir, mais c'est un milieu où il y a des conflits idéologiques. Donc, bon, moi, je trouve que c'est son œuvre maîtresse, là, à part les enregistrements. Puis, c'est comme, il y a quelqu'un dans le supramental qui a prétendu que Bernard avait détruit la forme du double, que c'était dans les enregistrements, mais sans jamais spécifier quel enregistrement. Donc, encore là, après en avoir écouté quand même plusieurs, là, pas mal, là, j'ai jamais eu connaissance vraiment de ça. Peut-être qu'il a épuré la forme au niveau de certaines choses. Mais je pense pas que, bon, si jamais quelqu'un sait de quoi il est question, là, j'aimerais ça qu'on m'en fasse part, là. Parce que je vais l'écouter, là, si à un moment donné, ça aura vraiment eu lieu. Mais bien franchement, là, on n'a pas de. J'ai pas de preuves de ça. Là. J'ai pas vu ça nulle part. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Mais le problème avec quelqu'un comme lui, il a côtoyé beaucoup de gens. Puis après, bon, c'est facile de dire c'était mon ami. Comme il y a plein de monde que j'ai connu qui peuvent dire c'était mon ami, oui, mais il ne me connaissait pas nécessairement. Donc, d'une certaine façon, je reste prudent. Il faut rester prudent. Puis, est-ce que c'est vraiment important? Peut-être que non. Puis, c'est pareil avec les autres, avec tous ceux qu'il y a eu. L'affaire, c'est que Bernard de Montréal, c'était quelqu'un d'extrêmement charismatique. Puis, par après, il peut y avoir des gens un petit peu moins charismatiques qui vont vouloir... comment je pourrais dire ça? Prendre l'aura. De Bernard, là, c'est un au figuré, là, c'est une façon de parler, mais elle se donne ça riolait un petit peu. Donc, je reste prudent. Je pense que c'est mieux de rester prudent. Donc, est-ce qu'il y avait autre chose? Vous êtes. C'est pas très volubile là, ce matin. C'est ça. Prenez par exemple, il y a moins de. Ah ben, je n'avais pas vu. Je voudrais parler d'inspiration artistique quand les canaux spirituels astro se coupent. Qu'est-ce qui peut émerger? Ben, c'est là que peut-être qu'au niveau des arts, ça va être un petit peu, ça devient peut-être un petit peu plus proche d'une science. Prenez, au Moyen-Âge, il n'y a pas de point de fuite, il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de... Tout est codifié, tout est... Prenez l'art égyptien, par exemple, ça obéit à des lois magico-religieuses. Donc, il y a une standardisation qui semble... qui peut être brisée, tout simplement, parce que c'est l'apparition de ce qu'on pourrait appeler quelque chose qui est plus proche d'une science. Donc, ça brise les vieilles formes, puis il en apparaît des nouvelles. Mais les artistes, l'art, c'est extrêmement. Qui c'est ça? Qui ça? De vous parler de qui? Qu'est-ce qui peut émerger? Ben oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Qui c'est ça? Ça reste des formes, oui. Mais c'est ça, la science, elle va au-delà de la forme. C'est des lois. Donc. Bonjour, le symbole de la maison d'édition de Bernard, Science intégrale, le talon qui écrase la tête du serpent, oui. Ok, oui, c'est ça, ok. Je voyais qui c'est ça, c'est moi qui. Je devrais peut-être changer mes lunettes, là, prendre l'autre paire. Ah oui, ok, là, je vois. Ben oui, prenez. Les arts religieux sont toujours extrêmement restrictifs. Puis, dans l'islam, vous êtes allé loin, là. Surtout au niveau de certaines interprétations, il n'y avait même plus le droit de représenter de créatures vivantes à un moment donné. Mais ça dépend des branches. Mais c'est toujours restrictif, l'astral. Puis c'est toujours, ça va toujours vers le virtuel qui veut se défaire de certaines lois, au fond, qui sont universelles. Dans le fond, c'est un carcan pire que ces lois-là. Prenez, certains artistes qui ont vécu des grandes souffrances, c'en est ça de, si on pourrait appeler, de l'initiation astrale. Puis ça va toujours finir, bon, ça fait des gens qui vivent dans la misère ou des gens trop polarisés, trop proches de leur émotivité. Il y a moyen d'être sensible sans être émotif. Donc, je vous prenais là Jackson Pollock qui s'est tué en voiture, puis des choses comme ça, là. Des gens qui finissent dans des asiles, qui meurent. Prenez Séraphine de Senlis. C'est des cas, ça, d'astralisation grave, très grave, très profond. Ça fait des gens, des fois, qui finissent. Là, au début, on sent une connexion avec les hautes sphères spirituelles, puis après, ça se détériore. Puis ça descend. Ça descend à mesure que l'expérimental puis que le vécu est souffrant. C'est terrible, ça, c'est terrifiant. Bonjour, c'est une femme qui a croqué dans le mal, donc c'est une femme qui va supposément repérer le truc avec l'aide de l'homme. Qu'en dis-tu? Ouais, mais là, c'est à nuancer, ça. C'est à nuancer un petit peu. À ce niveau-là, il y a une symbolique polarisée, ça, là. Parce que, dans le fond, c'est un peu l'âme de l'homme, la femme. Donc, bon, c'est pour ça, mais oui, c'est censé être le talon d'une femme qui écrase le serpent, puis elle va se faire blesser au talon. C'est ce qu'il dit. Bonjour, Marie. Donc, c'est jusqu'à un certain point des allégories très, très subtiles. C'est pour ça que. Les gens qui ont repris ça pour montrer la femme comme une tentatrice, comme il y avait une polarisation là-dedans, extrêmement dangereuse, extrêmement subjective, parce que ça n'a pas rapport, là. Quand l'homme est tenté, c'est à travers sa partie passive, c'est-à-dire son âme. Puis c'est un petit peu pareil pour la femme, dans le fond. Donc, non, c'est juste le principe, entre autres, l'arbre, qui est un principe féminin, puis pas personnifier ça comme la femme, ça n'a pas rapport, moi je le vois pas comme ça du tout. Puis on s'est tellement servi de ça pour. Prenez juste la façon dont l'Église catholique a agi avec les femmes. Pourtant, parmi les esprits les plus éminents qu'ils ont eus, c'est surtout quatre femmes qui ont été influentes. Donc, la femme est une tentatrice, le tout est qu'elle le sache. Bouf. Je suis pas prêt à dire ça. La femme, c'est, oh, comment je pourrais dire ça? C'est pas la femme qui est la tentatrice, c'est. Le serpent, la connaissance. L'affaire, c'est que c'est elle qui est tentée en premier. Ça ne fait pas d'elle nécessairement une tentatrice. Mais je parle à ce niveau-là, là, si on regarde les vieilles allégories. Donc, c'est du vécu, ben, ça dépend. J'ai connu beaucoup de femmes. Ben, pas, je pas bibliquement un paquet de. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas nécessairement comme ça. Même des fois, ça décide. Prenez qu'est-ce qui va faire qu'une famille se tient bien? Ça va être une femme solide, souvent. Donc, puis des fois, qui va venir mettre le trouble? Ou qu'est-ce qui va créer du trouble? Ça va venir de l'homme, la faiblesse. C'est lui qui est censé être jusqu'à un certain point un soutien, mais l'âme de la famille, l'âme, c'est toujours la mère au fond. Donc, bon, une tentatrice, j'irai pas jusqu'à dire ça. Ben, c'est quelque chose qui est ancré dans la mémoire puis l'âme de l'humanité. Puis, pourquoi est-ce que la femme est tellement malmenée, tellement attaquée? Peut-être parce qu'il y a beaucoup de lumière dedans, ou qui passe à travers. Donc, oui, il y a une certaine passivité, mais c'est parce que justement, il y a un potentiel extraordinaire. Pourquoi, on va dire la famille, pourquoi la famille, c'est féminin? Il y a longtemps, il y a eu des époques lointaines que c'était matriarcal. Puis, par contre, les femmes, quand elles sont mauvaises, elles le sont vraiment beaucoup. Je veux dire, ça peut être encore plus dangereux parce que c'est plus subtil. Prenez les femmes tueurs en série, elles sont beaucoup plus difficiles à arrêter. Elles tuent pendant beaucoup plus longtemps, puis souvent, c'est d'une façon beaucoup plus subtile. Donc, au fond, c'est la même chose. Je veux dire, l'être humain, que ce soit un homme ou une femme, c'est les mêmes défauts, mais ça va se manifester différemment. C'est tout. Bonjour Manon. Est-ce que vous êtes une Manon que je connais? Il y en a beaucoup des Manons, donc je ne sais jamais. Heureusement qu'il y a des femmes solides. C'est parce que bon. On vit dans une époque d'ailleurs où on dirait que l'homme est de moins en moins solide. Donc, Lionel, bonjour. Merci de nuancer tout ça. Mon inconscience a causé beaucoup d'erreurs. En plus, c'est pour vous accuser. Ben non, pas nécessairement. Puis, je ne pense pas, je suis de France. Ok, bon. C'est parce qu'il y a des Manons qui me font peur. Vous n'êtes pas une de ces Manons-là. Bonjour tout le monde. Bonjour. Sozo Adas. Donc, non, je pense que justement, il faut nuancer tout ça. Le problème avec la femme, c'est qu'elle a le dos large. Alors que moi, j'ai toujours eu un petit peu de difficulté avec ça, là. Manon Bou. Ah bon? Non, c'est pas à ce niveau-là que j'ai des peurs. C'est une autre façon une façon de parler. Mais oui, des fois, je pense, si je prends la mère de mon père. La mère de mon père, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert de sa condition de femme. Énormément, même. Parce que son père, à elle, voulait un garçon. Il y avait eu un garçon, mais il était décédé en bas âge. Puis elle a essayé toute sa vie, ben, le temps que son père, à elle, a vécu, de se conformer à ses attentes. Puis il se foutait d'elle, puis il s'en occupait pas. Puis sa mère était une personne froide en plus. Puis finalement, c'est devenu une femme extrêmement solide, avec un gros caractère. Donc, responsable, mais pas fautive. Ah oui, faut pas moi. Ben non, ben, moi, je veux dire, tout le monde fait des erreurs. Tout le monde est responsable de toutes sortes de choses. Mais responsable, si vous dites, ben, vous dites mon inconscience, donc la responsabilité n'est pas la même. Je veux dire, l'intention n'était pas de. Au fond, c'est ça qui est important. Donc, je sais pas. Puis aussi, tout ce qui est lié au passé. Tout ce qui est lié au passé, puis au fait qu'on se juge beaucoup. Puis, bon, si vous êtes trop sévère envers vous-même, ça va réactualiser des choses. Si c'est comme il y a quelque chose qui est un peu comme l'autosuggestion là-dedans. C'est comme quelqu'un qui passe son temps à se dire j'ai pas été correct, j'ai manqué de discernement, j'ai fait des erreurs, j'ai finalement c'est se conditionner inconsciemment à en refaire. Parce que justement, il y a pas, c'est pas dans le présent, si je puis dire. C'est pas ce qui s'actualise dans le présent, ça devient de la mémoire psycho-affective suivante. Puis ça, ben, s'il y a des mécaniques subtiles par rapport à ça. J'ai connu beaucoup de gens, par exemple, qui étaient portés à se blesser. Puis ils n'ont jamais fait le lien avec une culpabilité refoulée qui leur venait au fond aussi de l'enfance. Comme par exemple, le fait d'être dénigré dans l'enfance, ça fait des gens maladroits. Plus tard, souvent, j'avais remarqué ça. Puis, c'est pour ça, là, de ne pas non plus. Je suis comme ça, rapport à mes enfants. Je m'en veux toujours. Ah oui. Ben, vous savez, le fait de vous en vouloir, ça va pas réparer rien. C'est là, là, que ça devient dangereux. Dans le sens que c'est correct de briser des formes du passé puis de régler des conflits, mais ça, c'est censé libérer de l'énergie pour le présent. Mais c'est pas normal de. Dans le sens, ben, c'est pas normal. Malheureusement, c'est normal, là, c'est la norme. Je pense que vous voyez ce que je veux dire par ça. Ça peut être dangereux. Puis, bon. Responsable et sans libre arbitre, n'est-ce pas là le jeu pervers de la culpabilité? Moi, ben c'est qu'on n'a pas d'excuse non plus de pas s'améliorer. L'erreur, elle est grave si elle est répétée tout le temps, puis qu'il n'y a pas d'évolution. C'est là que ça devient dangereux. Mais le libre arbitre, c'est toujours lié à une vue. S'il y a des erreurs de commises dans le passé par rapport à une vue qui était subjective, c'est pas en se remémorant ça comme une faute, en se culpabilisant que la vie va devenir plus objective. C'est ça, là. Ça devient un jeu, ça devient comme un cercle vicieux. Puis, quelqu'un qui n'aime pas, parce que j'en ai vu beaucoup, les gens qui s'aiment pas, vont être portés à voir d'une façon subjective, puis quand ils commettent un réel. Donc, on peut pas, et comme ça, éviter. Il y a toujours un délai, parce que la personne est décalée dans le temps. Si on se remémore tout le temps le passé, puis qu'on se culpabilise, on voit plus en temps réel ce qui se passe. Puis après, c'est toujours avec un délai, puis un délai, puis un délai, puis finalement, on est toujours en retard. Bonjour Isabelle. Donc, le libre arbitre, au sens que si on a une vue objective, on va agir d'une façon ajustée parce qu'on voit ce qui se passe, tout simplement. Donc, il n'y a plus nécessité de faire des choix, de prendre des décisions, on voit tout de suite. Puis c'est vers ça qu'il faudrait tout le temps aller. Dans le sens que si vous êtes tout le temps à vous dire, je suis comme ci, je suis comme ça, puis c'est correct de le voir, mais si c'est tout le temps avec un délai, il n'y aura pas possibilité de transmuter ça, là, de devenir un petit peu plus voyant. Un petit peu plus voyant. Prenez justement les gens qui se disent voyants. Ils sont capables de voir des choses pour les autres, mais peu pour eux-mêmes. Donc, ça fait des gens, des fois, qui ont des vies personnelles. C'est difficile, c'est dur, c'est des vies dures. C'est pour ça que je n'ai jamais été fort sur les gens qui pratiquent la voyance, puis qui sont beaucoup dans ces choses-là. Parce que, en tout cas, disons que ça vient avec certains défauts, là. Parce que des fois, voir certaines choses, c'est pas en voir d'autres. Puis, des fois, il y a une fascination pour certaines choses liées à l'invisible. Puis là, on perd de vue le visible. C'est grave, ça. Il y a une dame que je connais, là. Des fois, je m'inquiète un petit peu parce qu'elle ne voit pas ce qui se passe sur la route quand elle conduit. Mais là, c'est là que ça devient inquiétant.

C'est des mécaniques qui, jusqu'à un certain point, lui sont extérieures, puis il y a une intégration vers l'interne. Donc, je dirais qu'il faut utiliser sa sensibilité pour justement, quand il y a une possibilité d'être pris par de la conscience, d'être disponible. Je le dirais comme ça. Parce que j'ai jamais vu ça, quelqu'un qui décide de prendre conscience de quelque chose, parce qu'avant d'avoir pris conscience, il n'en est pas conscient. C'est toujours une surprise. C'est quelque chose qui vous tombe dessus, la conscience. C'est pas quelque chose que c'est pas comme quelque chose qu'on ramasse au marché, là. Donc, c'est pour ça aussi j'ai de la misère un petit peu avec tous les processus de gens qui font de la croissance personnelle, qui font des ateliers, qui se font venir des livres, puis là, quand j'aurai lu ce livre-là, ben là, je vais avoir enfin intégrer telle chose puis telle chose. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les livres les plus marquants, souvent, c'est par hasard qu'on tombe dessus. C'est pareil pour les personnes, c'est pareil pour les expériences. Donc, l'être humain, il est réactif de nature, ça c'est son ego. Donc, non, j'ai jamais vu ça. Moi, des gens qui volontairement prennent conscience de quelque chose, mais comment est-ce qu'un ego humain pourrait volontairement, consciemment faire une démarche comme ça? La conscience, c'est pas une démarche, c'est un processus d'intégration. Puis ça commence, c'est la réceptivité, la sensibilité, ça c'est à l'interne, mais ça part de l'extérieur pareil. Sinon, on ne serait pas obligé de vivre de l'expérimental pour intégrer. On pourrait se contenter de rester assis dans un fauteuil, puis on intégrerait comme ça, en regardant le mur, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Utiliser sa conscience. Je pense vraiment que c'est la conscience qu'utilise l'être humain. Dans le fond, je crois que c'est BDM qui disait, ne vous occupez pas de la conscience, c'est elle qui va s'occuper de vous. C'est ça. C'est ça. Dans le sens que, au fond, l'ego, lui, il n'a rien à faire. L'individu, il n'a absolument rien à faire. C'est juste d'être attentif, puis d'essayer d'être objectif, puis d'être disponible. Puis d'être dans l'observation. C'est comme, j'ai jamais vu au niveau là, des vrais instructeurs de ce milieu-là. C'est toujours la même chose qui est dit, c'est par l'observation multidimensionnelle. Mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à comprendre, puis il n'y a rien à faire. Donc, dans le fond, même ce qui se passe au niveau de certains plans là, très, très subtils, c'est jamais sous le contrôle de l'ego. Ce n'est pas l'ego qui travaille. Il se fait travailler. L'ego est là pour se faire travailler. Il se fait polluer. Puis après, au niveau de l'expérimental, il se fait dépolluer. Puis il se passe un paquet de choses en même temps. Mais l'ego, il est tout le temps réactif. Puis à travers lui, son âme est tout le temps passive. Et c'est là qu'il y a certains principes comme l'esprit, là, ça va être actif total. Et bon, mais il va tout le temps avoir une dichotomie entre la conscience égoïque puis la conscience en elle-même. Il ne peut pas ne pas y en avoir, c'est impossible. Pourquoi? Ben parce que l'être humain incarné égoïque, justement, pourquoi est-ce qu'il va s'intéresser à de la conscience? C'est parce qu'il y a de la souffrance expérimentale, puis qu'il y a une mémoire psycho-affective souffrante. Souvent, à un moment donné, je discutais avec quelqu'un, puis je lui disais, si tu étais venu au monde dans une famille, que tout va bien, puis que tu n'avais pas eu de souffrance psychologique, puis que tu avais tout ce que tu veux, est-ce que tu serais allé en séminaire avec Bernard de Montréal? Ben non, ça m'intéresserait pas. C'est pareil pour moi. Si j'étais tombé jeune multimillionnaire, puis que je pouvais juste passer mon temps à des choses que j'aime, j'aurais jamais intégré rien. On resterait des cons. Si on était tout le temps dans le confort, puis dans la satisfaction, puis qu'il n'y avait pas de l'expérimental qui nous donne des coups de bâton dans les reins, il n'y aurait aucune intégration. S'il n'y avait pas de souffrance expérimentale sur Terre, il n'y aurait aucune conscience. On serait comme des machines. ou comment je pourrais dire ça, comme des animaux qui évoluent pas. Même ah bonjour, Sishka. C'est vraiment comme ça, là. Il faut transmuter de la souffrance expérimentale en conscience. Ça fait partie du processus évolutionnaire planétaire. Mais si vous êtes toujours confortable, puis que vous êtes satisfait de tout, puis que vous êtes content comme ça, il n'y aura jamais rien. Il n'y en aura pas d'intégration. Ça devient impossible. C'est pour ça l'affaire de polariser en positif, négatif. C'est parce qu'on ne voit pas. On ne voit pas le jeu qui fait que le négatif, c'est le matériau du peu de positif qu'on a à un moment donné. C'est comme quand vous avez une souffrance terrible, comme une migraine ou une rage de dents. Là, vous avez hâte de retourner à un état où il n'y a pas de souffrance comme ça. Puis quand vous retombez, que votre mal de tête cesse ou que votre rage de dents cesse, puis que vous retombez à un état normal, là, vous l'appréciez. Mais quelqu'un qui serait tout le temps bien, il n'apprécie plus rien, c'est comme être mort. Pourquoi on dit, ah, les morts, reposer en paix, ben c'est ça la mort. C'est ça la mort. Être, ça devient comme, bon, je pense que vous voyez ce que je veux dire, là, c'est assez clair. Mais on a tellement dénigré, la souffrance expérimentale humaine. Or, il n'y aurait jamais eu de conscience sur cette planète-là sans de la souffrance. Pourquoi est-ce qu'il faut que de la conscience se manifeste? Ben, qu'il y ait un peu moins de souffrance pour qu'il y ait de la conscience. Mais à travers ça, il y a un processus intelligent. C'est très intelligent. C'est sûr qu'il y a des injustices sur Terre. C'est certain qu'il y a des choses injustifiables et intolérables. Mais ça prend le contexte. Ça prend un contexte. Oui, c'est l'esprit qui veut faire comprendre quelque chose à l'ego à travers la répétition d'une erreur qui fait souffrir afin d'arriver à prendre une décision nouvelle dans sa vie. Oui. Mais là, comme vous voyez, la décision, elle ne vient pas de l'ego, au fond. C'est là que je vous dis, le libre arbitre, il y a des aspects qui sont. C'est comme imaginer là quelqu'un qui il se dit bon ben moi j'ai le choix entre du Pepsi puis du Coca-Cola. Puis là tout d'un coup le Pepsi ça me donne mal à l'estomac donc je vais boire du Coca-Cola. Puis là à travers ça il y a l'illusion de faire un choix. Mais s'il y avait de l'intelligence je veux dire au départ bonjour Claudine. S'il y avait de l'intelligence au départ, l'être humain, il ne boirait ni un ni l'autre. C'est ça l'illusion de faire un choix. C'est comme quand vous allez voter puis qu'il y a un paquet de. Si les gens savaient que derrière, c'est tout le temps les mêmes institutions financières, c'est tout le temps les mêmes clics, qu'au fond, vous avez le choix de voter pour des pourritures à l'intérieur d'un système mafieux. C'est ça, c'est pas un choix, ça. Parce que les gens, ils feraient le choix de sortir de ça, de pouvoir faire des choix à l'extérieur de ça. Donc, c'est toujours illusoire jusqu'à un certain point, le libre arbitre psychologique, égoïque. Quelqu'un qui sait toujours, qui voit clairement, parfaitement ce qui est plus logique, ce qui est plus intelligent à faire, il fait aucun choix. Ça devient juste un mouvement qui va de soi. Donc, jusqu'à un certain point, c'est ça de la créativité, c'est ça être créatif. Parce que quelqu'un de créatif, il ne prend pas de décision, il n'y a pas besoin. C'est justement parce que nous sommes limités par l'ego psychologique que nous prenons des décisions. Nous sommes dans l'illusion d'en prendre. Donc, il n'y a même pas de décision, ça s'impose, on n'a pas le choix. On ne peut juste plus recommencer. Voilà. Ben oui, parce que. L'être humain, il arrête certains comportements mortifères lorsqu'il n'en a plus la capacité ou quand il l'a vu. C'est pour ça l'observation multidimensionnelle en temps réel, c'est pour ça que j'ai ça, l'observation. J'ai jamais entendu au niveau de gens sérieux dans ce milieu-là, des gens qui donnaient autre chose à faire, que la pratique d'une observation. Qu'on essaye d'affiner par une objectivité de plus en plus grande. J'ai jamais vu du monde dire, bon, ben là, on va faire, vous savez, si vous tombez sur quelqu'un qui vous dit, bon, ben là, je vais vous vendre un atelier, là, puis là, on va étudier avec tel support ésotérique, là, puis là, après ça, vous allez avoir intégré tel principe, ben ça, c'est tout le temps de la merde. Ça peut pas être réel, ça peut pas. En tout cas, désolé, là, mais c'est vraiment comme ça. Il y a juste l'observation. C'est par la vue. La conscience, c'est de la vue. C'est ça, l'intégrale, je veux dire, la même chose que la vue au sens littéral, dans le sens que vous palpez des longueurs d'onde, ça prend une perspective. On a de la polarité dans le mental, mais au lieu de faire comme avec deux yeux, que ça permet d'évaluer les distances, ça devient le contraire, parce que c'est subjectif. Donc, il n'y a pas de profondeur. L'ego s'opacifie, puis ça devient un écran. Un écran pour des projections de chimères, au fond. Ça devient extrêmement dangereux. L'être humain vit dans le virtuel de sa conscience psychologique. C'est pour ça l'histoire d'entrer dans le réel, c'est de sortir de ça. C'est ça, percer des voiles. Le monde s'imagine des affaires fantasmagoriques, des choses fantastiques. Mais non, c'est des choses extrêmement simples. Si on décide, c'est un peu forcé, c'est comme une résolution du nouvel an, ça tient pas. Et voilà, parce que ça, c'est des attitudes psychologiques. Or, sortir du psychologique, ça peut pas se faire avec une attitude psychologique. C'est comme essayer de sortir de l'eau en nageant, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait un rebord solide. Si vous voulez sortir de l'eau, il faut qu'il y ait un fond, il faut qu'il y ait quelque chose. Il y a des poissons, oui, qui viennent à bout de s'expulser hors de l'eau, mais c'est momentané. Ils vont toujours retomber dans l'eau, ou bien, à moins qu'il y ait la terre ferme pas loin, mais on n'a pas le choix. Ça prend du solide. Donc, ces processus-là, pourtant, c'est tellement. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, mais nous sommes conditionnés à ne pas le voir. C'est vraiment par de la souffrance, puis par des murs, des fois, sommes-nous ici sur Terre pour seulement expérimenter la vie, vieillesse et mort? Est-ce qu'on peut expérimenter la vie sur Terre en vain? Est-ce que notre ignorance est absolue? Il y en a que oui. Mais là, ça dépasse parce que ça prend un contexte expérimental. Donc, il y a des gens, il semblerait, qui sont incarnés pour servir un contexte. Puis finalement, ils vont servir de support aux autres qui se conscientisent. Mais ça devient subtil. Mais à un moment donné, il va falloir que. C'est que la vie sur Terre semble avoir été faite selon les lois de l'évolution de l'âme. Puis l'âme, ben, il y a des lois collectives à ça. L'affaire, c'est qu'à un moment donné, il va falloir arriver à un stade où il va y avoir une évolution dans le plan matériel. Dans le plan matériel, mais ça a l'air extrêmement rare. En connaissez-vous beaucoup, vous, des gens qui ont vraiment évolué dans la matière, au sens faire de la télékinésie, puis le but, c'est pas d'avoir des pouvoirs, là, je parle d'une réelle évolution, une réelle transmutation. Pas un désir d'acquérir du pouvoir sur la matière, mais au contraire, c'est autre chose, c'est un autre processus. J'en ai jamais vu. Faut être conscient de l'inconscient. Ouais, ben ça revient à ça. Dans le sens que plus vous êtes conscient, plus vous allez le voir. Donc plus on est moins. Pouvoir, c'est un peu un truisme à votre affaire. Percevoir au-delà du voile, oui. Ben oui, c'est lassant de voir et revoir, ça prend de l'énergie. La vieille personnalité a la vie dure en ce qui me concerne. Oui, ben moi aussi, puis je pense que c'est le cas pour tout le monde. Même, il n'y a personne de parfait, hein. Puis, même les grands, grands, grands personnages, on dirait qu'ils ont souvent des grands, grands, grands défauts. Prenez Sri Aurobindo a été beaucoup critiqué parce qu'il pensait qu'au niveau de la lutte pour l'indépendance de l'Inde, que la violence parfois pouvait être ajustée. Alors que Gandhi, lui, condamnait totalement la violence. Mais si on regarde aujourd'hui, l'Inde est esclave au niveau de son développement du FMI, comme toutes les autres nations, puis il y a une banque centrale, puis c'est de l'esclavage par la dette, le développement de l'Inde. Donc l'Inde n'a jamais été libérée, c'est juste plus subtil. Donc, Aurobindo avait pas tort, puis Gandhi, au fond, est mort assassiné par un extrémiste, puis Sri Aurobindo est mort tranquillement dans la paix. Puis bon, je sais que c'est peut-être pas un bon exemple, mais il reste que l'Inde n'a jamais été libérée. Ça n'a jamais été libéré. Voyons, on est tous sous le joug des mêmes forces qui se manifestent à travers des instances planétaires, si on peut dire. Puis, je suis pas mal sûr que au mois d'octobre, nous allons avoir une guerre. Une guerre, c'est là qu'il va falloir être solide. Pas se laisser aller au désespoir puis au fatalisme. Parce qu'une guerre, on ne sait jamais quand ça finit. Puis des fois, bon, ça peut être. Mais il reste que, comme Aurobindo, je pense que parfois la violence s'est ajustée. Même. Donc, ben, si c'est ajusté, ça veut dire que c'est nécessaire. Si c'est nécessaire, ça veut dire que ça devient ajusté, mais c'est le contexte. C'est le contexte qui fait que quelque chose est ajusté ou pas. Mais regardez de la façon dont l'Inde a été accompagnée dans son indépendance par l'Angleterre. Il y a quelque chose là d'un jeu de dupes. Puis, tout cas. Gandhi n'a fait que reporter la violence avec la. Et voilà, ça devient de la procrastination de la conscience, mais surtout de la créativité active dans le plan matériel. C'est pas surprenant qu'un extrémiste, il fallait que ce soit un hindou, un extrémiste hindou qui le fasse. Prenez la création du Pakistan. Comment c'est allé loin dans l'horreur, parce que là, c'est de la violence, mais sans conscience, de la violence inintelligente. Aujourd'hui, le Pakistan a l'arme atomique. Ça va mal finir, hein, tout ça. Si jamais il y a une guerre, le Pakistan va être du côté de l'Iran, probable. L'Inde va être du côté de l'ancien maître. C'est sûr. En tout cas. Je ris, mais c'est un petit peu. Je ris jaune, là. C'est un petit peu nerveux parce qu'on voit venir des choses. Ce ne sera pas drôle. Puis ça va être difficile parce que là, c'est de l'intégration collective, entre autres, à ce niveau-là. Donc, imaginez la charge de souffrance qui s'en vient. Il va falloir être solide. Quel rapport entretenez-vous avec votre personnalité? Ben, les mêmes que tout le monde. Mais c'est certain qu'il y a une lutte entre ma personne et ma personnalité, dans le sens que je le sais très bien que c'est circonstanciel, la personnalité. Alors que le moi réel, ben lui, il essaie de se manifester, mais il se fait subjectiver. Donc, il y a une certaine lutte. Mais bon, quel rapport? C'est des rapports de, bon, comment je pourrais dire ça? C'est un petit peu comme un frère et une sœur là, qui s'agacent. Une colère vibratoire alignée avec une volonté réelle, c'est efficace et créatif. Oui. Oui. Ah, bonjour, Isia. Ben, je vais bientôt quitter. J'avais dit que je ferais 1 heure. Mais si vous copiez le lien qui est en haut de l'écran, vous pourrez écouter le live dès le début. Parce que, mais c'est comme je vous dis, au fond, tout ce qu'il y a de bien, de bon, puis de vrai, dans le sens créatif du terme, ça va être entre autres de la souffrance expérimentale qui a été transmutée en conscience, dans le sens que les expériences déplaisantes peuvent polluer l'ego, mais c'est ça aussi qui peut servir à le dépolluer. Ah oui, c'est ce que vous faites de l'écouter en replay? Ben oui, parce que c'est ça va faire 1 heure bientôt. J'essaie de ne pas faire des lives de plus d'une heure parce que sinon ça devient lassant des fois. Mais en tout cas, mais je pense que au début c'était un petit peu plate, mais c'est devenu intéressant. Même il y a des choses, je ne me rappelle pas trop là, ce que j'ai dit. Il va falloir que je le réécoute moi aussi. Mais il y a Supramental Bertold qui a publié dernièrement des extraits Il y en a qui sont d'une certaine violence. Il y en a, je pense, c'est coup de gueule. Mais là, c'est David. Je ne sais plus trop comment il m'avait dit ça. Puis à un moment donné, il y a quelque chose, ça m'a. Il dit, oui, mais cette mécanique-là, ça fait que les gens vont mourir. Ben oui, parce que les pulsions de vie, au niveau de l'involution, servent des mécaniques de mort. Donc, imaginez, là, c'est ça la tragédie humaine, au fond. Ben oui, mais le jour où il va y avoir vraiment de l'avoir de la conscience réelle, à large échelle, il va avoir moins de souffrance expérimentale. C'est la logique même. C'est très simple. Même des enfants peuvent le savoir. Sommes-nous seulement des récepteurs d'énergie? Tu parlais que on peut émettre de la pensée. Est-ce que c'est au niveau du ressenti? Car à qui peut-on en parler? Ah bon, ben bonne journée Claudine. Ben, des réceptacles, nous sommes mis en vibration, dans le sens que nous ne sommes pas juste des réceptacles, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel de créativité. C'est-à-dire, ce qui nous passe à travers, on peut donner une direction. On nourrit des formes inconsciemment. C'est juste que d'être créatif, ça va être au moins nourrir des formes consciemment qui servent. Au lieu d'être des bricoleurs, être réellement des constructeurs. Puis, au émettre des pensées, à un moment donné, vous allez vous rendre compte. En tout cas, j'imagine, là, il y a beaucoup de monde qui vont finir par se rendre compte. Ils vont faire la différence entre des pensées qui sont réellement émises par eux et des pensées qui sont captées par eux. Quand vous émettez une pensée qui vient vraiment de vous, ça veut dire que c'est émis par des contreparties. C'est-à-dire, comme quand on est incarné dans l'espace-temps, ça veut dire qu'il y a d'autres vous qui ne se sont pas réalisés en potentiel à cause de la rectitude du contexte. Mais ces choses-là restent sur leur plan, en dehors du temps et de l'espace des fois. Puis ça essaie de se manifester, notamment à travers la pensée, parce que le mental, c'est un plan semi-subtil. Donc, c'est là que ça devient. Une amie de ma blonde qui est très négative et déplaisante. Tout le monde sentait la mauvaise vibe. J'ai fait une de ses colères en lui disant de fermer sa crise de gueule après 30 minutes. C'est revenu normal. Ouais, c'est parce que des gens qui sont ont une mauvaise vibe, comme vous dites, je sais pas si ça va les aider là, à long terme. Pas sûr que, en tout cas, mais ça peut être intéressant pour. Vous savez, le mieux, là, c'est de pas avoir à subir ça plutôt que d'avoir à le rectifier. Mais là, bon, mais des gens comme ça, des fois, il faut être indulgent. Faut être. Quoi dire sur la Fabian Society, Alice Bailey et Annie Besant, les chers amis du New Age? J'aurais pas grand-chose à dire de bien là-dessus. Mais à mes yeux, c'est la continuité de la comtesse de Pommard et ces choses-là. Mais bon, la théosophie, c'est parce que ça aboutit à la Lucy Trust puis ces choses-là. Puis c'est lié à l'UNESCO. Puis bon, on voit jusqu'où ça mène. J'étais en colère, mais j'étais pas fâché. Ah, vous voyez, vous faites la différence. Ça, c'est intéressant. Bon, ben moi, je vais quitter. Donc, je vais souhaiter une bonne journée à tout le monde. Donc, au revoir à tous. Puis, je sais pas quand je vais refaire un live, mais possiblement la semaine prochaine. Ben, j'ai pas le choix, hein, c'est samedi demain. Bon, merci Lionel. Merci à tout le monde. Bonne journée, Isia. Au revoir.